Document 2, page 60. À quoi tu penses, Romain? Tu rêves? Non, je cherche un petit cadeau pour une amie. Elle fait une fête samedi, dans sa nouvelle maison. Donne-moi une idée. Achète-lui un tapis pour sa salle de bain. Tu crois? Mais oui, chez Tapitou, ils ont des tapis ronds de toutes les couleurs. Jaune, vert, rouge. Prends-le là-bas. Bon, sa salle de bain, elle est rose, avec des fleurs vertes. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, offre-lui une petite lampe pour sa chambre. Elle a peint sa chambre en bleu. Je prends une lampe comment? Prends-la bleue ou blanche, c'est bien. Ah, mais je crois qu'elle a déjà une lampe sur sa table de nuit. Bon, alors offre-lui un vase, achète-lui des fleurs, mets-les dans le vase et voilà. Ce n'est pas très original. D'accord, j'ai une autre idée. Téléphone-lui, dis-lui que tu es malade, reste à la maison et ne lui achète pas de cadeaux. Ah, c'est drôle.